cherche à trouver. Je cherche à. Javier from Chile. Hello. Hello, lullaby. La lucha siempre. ¿Qué tal, Javier? Puedes ver, así se ve, así se ve, así te veo en el stream, en Twitch, en YouTube. T'arrives à me checker sur YouTube? Moi j'arrive pas à m'avoir. Savoir s'il y a un truc qui bug sur le stream ou pas, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu vois les gens? Il y a Javier qui est au Chili.